D'après le journal d'internet des Coréens résidant aux États-Unis, Minjok Tongsin, Lee In-soo, compatriote coréenne aux États-Unis, a envoyé le 5 courant au président américain Obama une lettre exigeant d'interrompre les exercices militaires conjoints d'agression contre le Nord et de signer un accord de paix coréo-américain.